bien, bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gémozo 107 FM. Aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle de science-fiction, écrite par Philippe K. Dick, un vaisseau fabuleux. Philippe K. Dick est donc un écrivain américain, il est né en 1928, il est mort en 1982. Il clame tout au long de ses œuvres que la réalité n'est qu'une illusion. Eh bien voilà, je vais commencer. Un vaisseau fabuleux. La mine renfrognée, le général Thomas Groves fixait le mur où s'étalaient les cartes des manœuvres offensives. Il nota la persistance de la mince ligne noire autour de Ganymède. Il patienta quelques instants, un vague espoir au cœur, mais en vain. Le cercle d'acier resta en place. Il se résolut enfin à tourner les talons et quitta la salle des cartes en longeant ses rangées de bureaux. Comme il franchissait la porte, le major Siller l'arrêta. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon général ? Pas d'évolution dans le conflit ?»« Aucune. Que faire ?» Nous résoudre à un compromis. Accepter leurs conditions. Nous ne pouvons nous permettre de laisser traîner un mois de plus. Tout le monde en est conscient. Ils le savent bien, eux aussi. Capituler devant une organisation aussi limitée que Ganymède. Si seulement nous avions plus de temps. Mais ce n'est pas le cas. Les vaisseaux doivent regagner l'espace et cela sans attendre. S'il le faut nous rendre pour les évacuer, alors... « Allons-y. Ganymède, cracha-t-il, si on pouvait les réduire à merci. Mais d'ici là, il ne resterait plus de colonies. Il faut à tout prix récupérer nos berceaux, » dit Grove d'un ton sinistre, « même si cela implique de capituler. Il n'y a pas d'autre moyen ? Trouvez-le, vous !» Grove écarta Siller et sortit dans le couloir. « Et quand vous l'aurez trouvé ?» « Faites-moi signe !» La guerre faisait rage depuis 2 mois terrestres, sans la moindre perspective de trêve. Le congrès planétaire occupait une position délicate. Ganymède était sa dernière étape vers le précaire réseau de colonies qu'il entretenait dans le système de Proxima. Tous les vaisseaux quittant le système pour s'enfoncer dans l'espace partaient des immenses berceaux de Ganymède. Il n'y avait pas d'autre base de départ. Le satellite avait été unanimement choisi pour cela et abritait donc la totalité des berceaux. À partir de là, les Ganymédiens devinrent riches à force de transporter fret et ravitaillement dans leur petit vaisseau ventru. Avec le temps, de plus en plus de vaisseaux Gany se mirent à sillonner l'espace, cargo, croiseurs, patrouilleurs, jusqu'au jour où cette flotte hétéroclite se posa entre les berceaux, tuant ou capturant les gardes terriens et martiens, et proclama que Ganymède et ses berceaux étaient désormais sa propriété. Si le Congrès voulait continuer à les utiliser, il devrait payer, et grassement encore. 20% des marchandises affrétées devaient à l'avenir tomber dans l'escarcelle de l'empereur Gany, installé sur la Lune. Celui-ci exigeant en outre la pleine représentation au Congrès. Si ce dernier tentait de reprendre les berceaux par la force, ceux-ci seraient immédiatement détruits. Les Ganymédiens les avaient truffés de bombes H. Leurs vaisseaux croisaient autour de la Lune, formant une mince ceinture de protection. Si le Congrès tentait de la forcer et de s'emparer de la Lune, ce serait la fin des berceaux spatiaux. Que pouvait faire le système face à cette situation ? Pendant ce temps, dans le système de Proxima, les colonies connaissaient la famine. « Vous êtes sûr ?» demanda un des sénateurs martiens, « qu'on ne peut vraiment pas lancer des vaisseaux dans l'espace profond à partir des terrains d'envol habituels ?» Seuls les vaisseaux de classe 1 ont une chance d'atteindre les colonies, répondit d'un ton las le commandant James Carmichael. Ils sont 10 fois plus gros que les fusées interplanétaires ordinaires. Il leur faut donc un berceau de plusieurs kilomètres de profondeur. sans parler de la largeur. On ne peut pas faire décoller un vaisseau pareil d'un simple pré. Le silence tomba sur l'immense chambre du Congrès, pleine à craquer de représentants venus des 9 planètes. Les colonies de Proxima, déclara le docteur Basset, ne tiendront pas plus de 20 jours, ce qui signifie qu'il faut leur envoyer un vaisseau la semaine prochaine ou plus tard. Sinon, nous n'y trouverons plus âme qui vive. Dans combien de temps les nouveaux berceaux lunaires seront-ils prêts ? 1 mois, répondit Carmichael. Pas avant ? Non. Alors nous sommes tenus d'accepter les conditions imposées par Ganymède. Le président du Congrès renifla de dégoût. 9 planètes et une misérable petite lune. Comment ose-t-il exiger une représentation égale à celle des membres du système ? On pourrait briser leur anneau de protection, dit Carmichael. Mais alors, ils n'hésiteront pas à détruire les berceaux de lancement. Si seulement on trouvait un moyen d'approvisionner les colonies sans utiliser ces berceaux spatiaux, fit un sénateur plutonien. Cela exclut les vaisseaux de classe 1. Sont-ils vraiment les seuls à pouvoir atteindre Proxima ? À notre connaissance, oui. Un sénateur originaire de Saturne se leva. « Commandant, quel type de vaisseau utilisent les Ganymédiens ? Sont-ils différents des vôtres ?»« Oui, personne ne sait rien d'eux. »« Comment sont-ils lancés ?»« De la façon habituelle, répondit Carmichael en haussant les épaules. »« Du sol ? Croyez-vous qu'il s'agisse de vaisseaux au long cours ?»« Non. » Nous commençons à nous raccrocher au moindre fétu de paille. Alors, il n'existe pas de vaisseau suffisamment gros pour croiser en espace profond et qui ne requiert pas de berceau de lancement. Il ne faut pas se cacher la vérité. Le président du Congrès s'agita. Une motion a d'ores et déjà été portée devant le Congrès, demandant à celui-ci d'accepter la proposition des Ganymédiens et d'interrompre les hostilités. Pouvons-nous passer au vote ou y a-t-il d'autres questions ? Aucune lumière ne s'alluma au pupitre des sénateurs. Alors, allons-y, Mercure. Quel est votre vote, la première planète ? Mercure vote l'acceptation des conditions de l'ennemi. Vénus, comment vote Vénus ? Vénus vote... Attendez ! Le commandant Carmichael s'était brusquement levé. Le président leva la main. Qu'y a-t-il ? Le Congrès est en train de voter. Carmichael fixait obstinément le ruban de papier argenté qu'on venait de lui faire parvenir depuis la salle des cartes. J'évalue mal l'importance de ceci, mais je crois que le Congrès devrait en prendre connaissance avant de procéder au vote. De quoi s'agit-il ? Un message du front. Lors d'un raid éclair de la flotte martienne, une station de recherche, Gany, a été prise d'assaut sur un astéroïde, quelque part entre Mars et Jupiter. On a pu saisir une grande quantité de matériel encore intact. Carmichael parcourut des yeux la vaste salle. Y compris un vaisseau Gany, un navire récent en cours d'expérimentation à la station. L'équipage a péri, mais lui n'a subi aucun dommage. Les Martiens nous l'amènent afin que nos experts puissent l'examiner. Un murmure courut sous la coupole. « Je présente une motion, s'écria un sénateur d'Uranus, visant à reporter notre décision jusqu'à ce que le vaisseau ganymédien ait été inspecté. Il se peut qu'on en tire quelque chose. » Les Ganymédiens ont consacré beaucoup d'énergie à la conception de leur vaisseau, murmura Carmichael au président du Congrès. Ce sont des engins bizarres, complètement différents des nôtres. Il est possible que... Votez-vous cette motion ? Demanda le président. Attendons-nous les résultats de l'expertise. Il faut attendre, s'écrièrent plusieurs voix. Voyons d'abord ce vaisseau à raisonner. Pensif, Carmichael se frotta la mâchoire. « Tentons le coup, mais s'il n'en sort rien d'intéressant, il ne nous restera plus qu'à nous rendre. » Il replia le ruban de papier. « En tout cas, on ne risque rien à jeter un coup d'œil. Un vaisseau Gany, je me demande... » L'émotion empourprait le visage du docteur Earl Basset. « Laissez-moi passer !» disait-il en bousculant les policiers. « S'il vous plaît, laissez-moi passer !» Deux lieutenants au galon reluisant s'écartèrent et il se retrouva confronté pour la première fois à une énorme sphère d'acier et de rexénoïdes. Le vaisseau ganymédien a résonné. « Regardez-moi ça !» souffla le major Siller. « Rien à voir avec nos propres appareils. Comment est-il propulsé ?»« Aucun réacteur visible, » observa Garmichel. « À part les rétrofusées d'atterrissage, je me demande comment il marche. » La sphère reposait au centre du laboratoire expérimental terrien, s'élevant comme une immense bulle du cercle formé par les hommes. C'était un magnifique vaisseau qui luisait d'un éclat métallique, jetant mille feux glacés. « Il me fait une drôle d'impression, » murmura le général Grove. Il prit une brusque inspiration. « Croyez-vous que cet engin se meuve par propulsion gravitationnelle ?» On dirait que les Gani faisaient des recherches dans ce domaine. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» interrogea Basset. « Un vaisseau à propulsion gravitationnelle atteindrait sa destination instantanément. La vitesse gravitationnelle est d'ordre infini. Elle échappe à toute mesure. Si cette sphère est bien sottise, » coupa Carmichel. Einstein a montré que la gravité n'est pas une force, mais un gauchissement de l'espace. Mais ne peut-on concevoir un vaisseau utilisant... Messieurs ! Entouré de ses gardes, le président du Congrès venait de faire irruption dans le laboratoire. Voici donc le vaisseau en question ? C'est cette sphère ? Les officiers s'écartèrent sur le passage du président, qui s'avança d'un pas précautionneux vers le vaste flanc lumineux et y posa les doigts. « Il n'a subi aucun dommage, » déclara Siller. « On est en train de traduire les inscriptions des tableaux de commande afin que nous apprenions à nous en servir. » « Voici donc ce vaisseau ganymédien. Nous sera-t-il d'une quelconque utilité ?»« On n'en sait rien encore, » répondit Carmichel. « Ah, voilà nos cerveaux !» dit Grove. L'écoutille de la sphère venait de s'ouvrir. Deux hommes revêtus de la tenue blanche des labos en descendirent prudemment, un sémantron à la main. « Qu'est-ce que ça donne ?» demanda le président. « Les traductions sont terminées. Toutes les commandes ont été notifiées. Rien n'empêche à présent un équipage terrien de piloter ce vaisseau. » « Avant de tenter l'expérience, » intervint le docteur Basset, « on devrait inspecter les moyens de propulsion. Que savons-nous d'eux ? Même pas quel carburant ils utilisent. Combien de temps vous faut-il pour mener cette étude à bien ?» s'informa le président. « Plusieurs jours au moins, » affirma Carmichel. « Tant que ça ? On ne sait pas dans quoi on s'embarque. Il se peut qu'on découvre un type de propulsion et de carburant radicalement nouveau. » Il peut même s'écouler plusieurs semaines avant qu'on en ait terminé avec les analyses. Le président considéra le problème durant quelques secondes. « Monsieur, » reprit Carmichel, « je crois que nous devrions prendre les devants et effectuer un test de vol. On n'aura pas de mal à trouver des volontaires pour constituer un équipage. » Les essais peuvent commencer tout de suite, naturellement, dit Grove, mais il nous faudra peut-être des semaines pour déterminer le mode de propulsion. Vous pensez pouvoir rassembler tout un équipage de volontaires ? Ne vous inquiétez pas pour ça, répondit Carmichel en se frottant les mains. Quatre hommes feront l'affaire, trois en dehors de moi. Deux, renchérit le général Grove, vous pouvez compter sur moi. Et moi, monsieur ? Questionna le major Siller, le cœur rempli d'espoir. « Et les civils ?» s'enquit le docteur Basset en se redressant d'un air fébrile. « Peuvent-ils se porter volontaires ? Je brûle d'en savoir plus, moi. »« Pourquoi pas ?» répondit en souriant le président du Congrès. « Du moment que vous savez vous rendre utile, je constate donc que l'équipage est d'ores et déjà constitué. » Les quatre hommes échangèrent un grand sourire. « Eh bien, Figrove, qu'attendons-nous ? Allons faire démarrer cet engin. » Le linguiste posa un doigt sur le cadran. « Vous avez là les inscriptions Gani. Chaque fois, nous avons juxtaposé l'équivalent terrien. Cependant, il y a un hic. On connaît le terme Gani pour, par exemple, le mot 5. Zalf. Donc, quand on a rencontré le mot Saaf, on a inscrit un 5. Vous voyez ce cadran, là où la flèche pointe sur Nézi, c'est-à-dire 0. Observez la numérotation. 100, liv. 50, k. 5, zaaf. 0, Nézi. 5, zaaf. 50, k. 100, liv. Car Michel hocha la tête. Oui, et alors ? C'est tout le problème. On ignore à quoi se réfèrent ces nombres. 5, mais 5 quoi ? 50, mais 50 quoi ? On peut présumer qu'il s'agisse de la vitesse, à moins que ce ne soit la distance, du fait qu'on n'a pas pu étudier le fonctionnement de ce vaisseau. Vous ne pouvez pas les interpréter ? Comment faire ? Répliqua le linguiste en actionnant un des interrupteurs. À l'évidence, ceci enclenche le mécanisme de propulsion. Mel marche. Si on presse le bouton, le cadran indique « yo », arrêt. Mais quant à savoir piloter, c'est une autre paire de manches. Nous ne savons pas à quoi sert ce cadran. Grove effleura une manette. Ce ne serait pas avec ça qu'on dirige l'engin ? Ceci actionne les rétrofusées, les réacteurs prévus pour l'atterrissage. Mais pour ce qui est de la propulsion centrale, on ne sait ni en quoi elle consiste, ni comment la contrôler, une fois la mise à feu lancée. La sémantique ne vous sera d'aucun secours. Vous ne pourrez compter que sur l'expérience. On ne peut que traduire ces nombres par des nombres compréhensibles par nous. Grove et Carmichael s'entre-regardèrent. Ma foi, fit le premier, on va peut-être se perdre au fond de l'espace ou se faire aborder par le soleil, absorber par le soleil. J'ai vu un vaisseau tomber en vrille vers le soleil une fois. Il s'y est englouti à une vitesse. Nous sommes loin du soleil et puis nous nous dirigeons vers l'extérieur, mettons vers Pluton. Et nous finirons bien par maîtriser cet engin. Vous voulez peut-être vous désister ? Oh, certainement pas. « Et vous autres ?» demanda Carmichael à Basset et Silaire. « Vous êtes encore de la partie ?»« Mais oui, » répondit Basset en s'introduisant prudemment dans sa combinaison spatiale. « On vous suit. »« Assurez-vous que votre casque est hermétiquement clos. » Carmichael aida Basset à fixer ses jambières. « Les chaussures maintenant !»« Commandant, » signala Grove, « ils ont presque fini d'installer le vide-écran. » Je tenais à ce qu'on maintienne ainsi le contact. Qui sait, nous aurons peut-être besoin d'aide pour rentrer. Bonne idée, car Michel alla examiner les fils qui partaient de l'écran. Alimentation au tonneau ? Par souci de sécurité, elle est en effet indépendante du vaisseau. Car Michel s'assit devant le vide-écran et l'alluma. L'opérateur local apparut. Passez-moi la garnison de Mars, le commandant Vetchi. L'appel fut lancé. En attendant, Carmichael entreprit de lasser ses bottes et ses jambières. Il mettait son casque lorsque l'écran s'alluma, affichant le temps recuit de Vetchi, sa mâchoire saillante et son uniforme écarlate. « Mes respects, commandant Carmichael, » murmura-t-il, et il considéra d'un œil curieux la tenue de son interlocuteur. « Vous partez en mission ?» On va peut-être vous rendre une petite visite. Nous sommes sur le point de faire décoller le vaisseau Gani que nous avons arraisonné. Si tout se passe bien, j'ai bon espoir de le poser dans votre zone un peu plus tard dans la journée. Je vais vous faire préparer le terrain d'atterrissage. Mieux vaut prévoir des mesures d'urgence. Nous ne sommes pas encore bien familiarisés avec l'appareil. Je vous souhaite bonne chance. Vetchi lança un rapide coup d'œil de côté. « J'aperçois l'intérieur du vaisseau. Dites-moi, quel type de propulsion utilise-t-il » ? Nous l'ignorons encore. C'est bien là le problème. « J'espère que vous pourrez atterrir. » »« Merci, nous l'espérons également. » Carmichael coupa la communication. Grove et Silaire étaient en tenue et aidaient Basset à verrouiller ses écouteurs. « Nous sommes prêts, » dit Grove. Il jeta un coup d'œil par le hublot. Dehors, un cercle d'officiers les regardait en silence. Dites-leur adieu, dit-il si l'air rabassé. Nous vivons peut-être nos derniers instants sur la terre. Courons-nous réellement un si gros risque ? Grove s'installa à côté de Carmichael au tableau de commande. Prêt ? Sa voix parvint à Carmichael via les écouteurs. Prêt ! Carmichael avança sa main gantée vers le levier marqué « Mel ». « C'est parti, cramponnez-vous !» Il le saisit fermement et le tira à lui. Il dégringolait dans l'espace. « Au secours !» cria le docteur Basset. Il glissa le long du pont incliné et vint heurter une table. Carmichael et Grove s'accrochaient comme ils pouvaient, le visage grimaçant, s'efforçant de se maintenir dans leur siège. La sphère chutait en vrille à travers un épais rideau de pluie. Au-dessous d'eux, ils voyaient par le hublot un immense océan agité, une étendue sans fin d'eau azurée. À quatre pattes, glissant çà et là à mesure que la sphère tanguait, Siller contemplait ce spectacle. « Commandant, où sommes-nous censés être ?»« Quelque part au large de Mars, mais ceci ne peut pas être Mars. » Grove actionna l'un après l'autre les leviers commandant les rétrofusées. En allumant, ceux-ci libérèrent une énergie qui fit trembler la sphère. « Allez-y doucement !» prévint Carmichael en étirant le cou pour voir par le hublot. « Un océan ? Que diable !» L'appareil se redressa et se mit à filer à toute vitesse au-dessus de l'eau, parallèlement à la surface. Siller se remit lentement sur ses pieds en s'accrochant à la balustrade, puis aida Basset à se relever. « Ça va, Doc ?»« Oui, merci !» fit Basset tout chancelant. Les lunettes se promenaient à l'intérieur de son casque. « Où sommes-nous ? Déjà sur Mars ?»« Nous sommes arrivés, » répondit Grove, « mais pas sur Mars. » « Je croyais pourtant que c'était là que nous allions. »« Nous aussi. » Avec mille précautions, Grove réduisit progressivement leur vitesse. « Vous voyez bien qu'on n'est pas sur Mars. »« Où alors ?»« Je n'en sais rien, mais on va bientôt le savoir. »« Commandant, surveillez le réacteur tribord. Il est en suralimentation. Ce bouton-là. » Carmichael égalisa la poussée. « À votre avis, où sommes-nous ? Je n'y comprends rien. Est-ce encore Terra ? Vénus ?» Grove alluma le vide-écran. « Si on est encore sur Terra, on ne va pas tarder à le savoir. » Il lança une émission balayant tout le spectre. Mais l'écran demeura vide. « On n'est pas sur Terra. » « Ni même dans le système solaire. » fit remarquer Grove en faisant tourner le cadran. « Aucune réponse. » Essayez la fréquence du grand émetteur martien. Grove procéda au réglage approprié. Là où l'émetteur aurait dû se signaler, il n'y avait rien. Bouche bée, les quatre hommes contemplèrent stupidement l'écran. Toute leur vie, ils avaient vu apparaître sur cette fréquence l'image familière des opérateurs martiens au visage rubicon. 24 heures sur 24. C'était le plus puissant émetteur du système. Il arrosait les 9 planètes et portait même au-delà, dans les profondeurs de l'espace. Et il ne cessait jamais d'émettre. Oh, « Seigneur !» souffla Basset. « Nous sommes hors du système. » « En effet, renchérit Grove, regardez la courbure de l'horizon. Nous nous trouvons sur une planète de petite taille, ou sur une lune. En tout cas, je ne suis pas en terrain connu. Nous ne sommes pas non plus dans la zone de Proxima. » Carmichael se leva. « Ces unités de mesure doivent être de grande ampleur. Si ça se trouve, nous sommes à l'autre bout de la galaxie. » Il jeta un regard par le hublot vers les flots roulants. « Je ne vois pas d'étoiles, » nota Basset. « Plus tard, nous essaierons de nous repérer sur elles, quand nous serons de l'autre côté, à l'opposé du soleil. »« Un océan, » murmura Siller, « interminable, un climat tempéré. » Il ôta prudemment son casque. « On n'aura peut-être pas besoin de ça, après tout. »« Mieux vaut les garder tant qu'on n'a pas testé l'atmosphère, » prévint Grove. « On doit pouvoir trouver une sonde sur cette bulle. » « Je ne vois rien qui y ressemble, » dit Carmichael. « De toute façon, ça n'a guère d'importance. Si on... Commandant, s'écria Seller, terre! Tous se précipitèrent vers le hublot. À l'horizon apparaissait un long ruban de terre, le littoral. On distinguait du vert. Le pays était donc fertile. « Je vais virer légèrement sur la droite, » fit Grove, en revenant aux commandes. « Qu'est-ce que ça donne ?»« On fonce droit dessus, » répondit Carmichel en s'installant à ses côtés. « Au moins, on évite la noyade. Je me demande bien où on est. Comment le savoir ? Et si on n'arrive pas à le déterminer grâce aux étoiles, on pourrait pratiquer une analyse spectrale, essayer de dénicher une étoile connue. » « On y est presque, » fit Basset d'un ton nerveux. « Vous feriez bien de ralentir, mon général, on risque de s'écraser. »« Je fais de mon mieux. Y a-t-il des montagnes, des élévations de terrain quelconques ?»« Non, tout paraît rigoureusement plat, genre pleine. » La sphère s'abaissa encore et perdit de la vitesse. Au-dessous défilait un paysage verdoyant. Dans le lointain, apparut un alignement de collines pelées. À présent, piloté par les deux hommes qui s'efforçaient de l'immobiliser, la sphère effleurait le sol. « Doucement, doucement !» murmura Grove. « Ça va trop vite !» Les turbofreins fonctionnaient à plein régime et l'engin, soumis à de violents à-coups, n'était plus qu'un rugissement furieux. Il perdit graduellement sa vitesse, jusqu'à se trouver quasiment suspendu dans le ciel. Puis, tel un ballon d'enfant, il se posa lentement sur la plaine de verdure. « Coupez les réacteurs !» Les pilotes abaissèrent les leviers et le bruit cessa instantanément. Les hommes s'entre-regardèrent. « Attention !» murmura Carmichel. « Plop !»« Ça y est, » dit Basset, « on est posé. » Ils déverrouillèrent prudemment l'écoutille, le casque toujours rivé aux épaules. Siller brandit un fusil Boris, tandis que Grove et Carmichel faisaient basculer le grand disque en rexénoïde. Un souffle d'air chaud s'engouffra dans la sphère et se répandit autour d'eux. « Vous voyez quelque chose ?» questionna Basset. « Rien. Des champs tout plats. On est manifestement sur une planète. » Le général sauta à terre. « Des plantes minuscules. Il y en a des milliers. J'ignore ce que c'est. » Les autres suivirent le même chemin et leurs bottes s'enfoncèrent dans la terre détrempée. Tous quatre regardèrent alentour. Par où va-t-on ? Dit Siller. Vers ces collines ? Pourquoi pas ? Quelle platitude ! Carmichel se mit en marche. Il laissait de profondes traces derrière lui. Les autres lui emboîtèrent le pas. L'endroit semble sûr, dit Basset, en arrachant une touffe de petites plantes. Qu'est-ce que ça peut bien être ? On dirait des mauvaises herbes. Il les fourra dans la poche de sa combinaison spatiale. Halte ! Siller s'immobilisa net, tendu, le fusil levé. « Qu'y a-t-il ? Quelque chose a bougé, là-bas, derrière ce bouquet d'arbustes. » Ils attendirent. Partout régnait le calme. Une petite brise jouait à la surface de l'herbe. Piqueté de légers nuages, le ciel était d'une teinte bleutée, chaleureuse et limpide. « De que ce quoi ça avait l'air ?» demanda Basset. « D'un insecte. Attendez-moi là. » Siller gagna les buissons et décocha quelques coups de pied au hasard. Soudain, jaillit une minuscule créature qui déguerpit aussitôt. Siller fit feu. Le fusil Boris cracha un éclair blanc qui carbonisa le sol dans un grand rugissement. Une fois le nuage dissipé, il ne resta plus rien qu'un trou au rebord calciné. « Désolé, » fit Siller en abaissant l'arme qui tremblait dans sa main. « Ce n'est pas grave. Sur une planète inconnue, mieux vaut tirer le premier. » Grove et Carmichel entreprirent de gravir cette petite éminence. « Attendez-moi !» s'écria Basset en s'efforçant de les rattraper. « J'ai quelque chose dans ma botte. Vous n'aurez pas de mal à nous rejoindre. » Sur ces mots, les trois hommes continuèrent leur route en abandonnant le médecin. Bougonnant, celui-ci s'assit sur le sol spongieux et lentement, avec précaution, se mit à délacer sa botte. L'air était tiède. Il poussa un soupir et se détendit un peu. Au bout de quelque temps, il ôta son casque et ajusta ses lunettes. L'atmosphère était lourde de senteurs végétales. Il inspira profondément et relâcha progressivement son souffle. Puis, il remit son casque en place et relaça sa chaussure. D'une touffe d'herbe folle surgit soudain un être minuscule, d'à peine 15 cm de haut, qui lui décocha instantanément une flèche. Basset baissa les yeux. Dans la manche de sa combinaison spatiale était fiché un minuscule bout de bois. Il ouvrit la bouche et la referma, mais nul son n'en sortit. Une deuxième flèche vint ricocher sur la visière de son casque, puis une troisième, une quatrième. L'homoncule avait maintenant des compagnons, dont l'un juché sur un tout petit cheval. « Dieu du ciel !» s'écria Basset. « Que se passe-t-il » La voix du général Krove retentit dans ses écouteurs. « Tout va bien, docteur ?»« Mon général, une espèce de gnome vient de me décocher une flèche. »« Vraiment ?» Ils sont toute une bande maintenant. Vous avez perdu la tête ou quoi? Je vous assure que non. Basset se releva maladroitement. Une volée de flèches fendit l'air et alla se planter dans sa combinaison ou rebondir sur le casque. Les cris perçants des petits hommes parvinrent à ses oreilles. « Général, je vous en prie, revenez !» Grove et Silaire apparurent au sommet de la butte. « Basset, vous avez vraiment perdu la... » Ils s'immobilisèrent, comme cloués au sol. Silaire leva son arme, mais Grove l'arrêta. « Pas de ça !» Il avança encore, les yeux fixés sur le sol. Une flèche ricocha contre son casque. Des homoncules armés d'arcs et de flèches. Soudain, les petits êtres tournèrent les talons et s'enfuirent, qui à toutes jambes, qui à cheval, à travers les herbes folles, et disparurent sur l'autre flanc de la colline. « Ils filent, » dit Silaire. « On les suit jusqu'à leur repère ?»« Incroyable !» fit Grove en secouant la tête. « Aucune planète n'a jamais abrité d'êtres humains si petits. » Le commandant Carmichael descendit à la rencontre des trois autres. « Vous avez vu ce que j'ai vu ?» Des êtres minuscules qui détalaient à fond de train. « Oui, » répondit Grove en arrachant une flèche de sa combinaison. « Nous les avons même sentis passer. » Il leva l'objet devant ses yeux. « Regardez, l'embout brille, c'est du métal. »« Vous avez remarqué leur costume ?» intervint Basset. « Ils étaient comme dans ce livre de contes de fées que j'ai lu autrefois. Robin des Bois, les petits bonnets, les bottes. Un conte, dites-vous ? » Grove se frotta le menton. Une lueur étrange s'alluma dans ses yeux. Un livre. « Qu'y a-t-il, mon général ?» demanda Silaire. « Rien. » Grove parut revenir à la réalité et s'éloigna de quelques pas. « Suivons-les, je veux voir leur cité. » Il partit à grande enjambée sur les traces des homoncules qui n'avaient pas dû prendre beaucoup d'avance. « Dépêchons-nous, » dit Silaire, « avant qu'ils ne s'évanouissent dans la nature. » Flanqué de Carmichael et de Basset, il s'élança à la suite de Grove, qu'ils ne tardèrent pas à rattraper. Ils marchaient à la même allure que les petits êtres, qui fonçaient aussi vite qu'ils pouvaient. Au bout de quelques minutes, ils en virent un s'arrêter et se laisser tomber à terre. Les autres regardèrent en arrière et marquèrent un temps d'hésitation. « Il est épuisé, » dit Silaire, « il n'arrive pas à suivre. » De petits cris stridents s'élevèrent, comme s'ils l'exhortaient à se relever. « Il faut lui porter secours !» déclara Basset. Il se pencha, le prit précautionneusement entre ses doigts gantés et le fit tourner sur lui-même. « Aïe !» Il s'empressa de le reposer. Grove s'approcha. « Qu'y a-t-il »« Il m'a piqué !» dit Basset en se massant le pouce. « Comment cela ?»« Avec son épée, je veux dire !» « Vous n'en mourrez pas, » dit Grove en repartant à la poursuite des minuscules silhouettes. « Mon commandant !» lança Silaire à Carmichael. « Voilà qui minimise l'importance du problème ganymédien, si vous voulez mon avis. Je reconnais qu'on en est loin. Je me demande à quoi ressemble leur cité, » fit Grove. « Je crois le savoir, » laissa tomber Basset. « Ah bon ? Et comment cela ?» Mais Basset ne répondit pas. plongé dans ses pensées, et il fixait un regard intense sur les petites silhouettes qui avançaient toujours. « Venez, dit-il, il ne faut pas les perdre de vue. » Eh bien, voilà. Je vais donc vous laisser avec cette magnifique planète, un petit peu spéciale au niveau dimension des habitants. On verra la semaine prochaine de quoi il en retourne. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine sur Radio Gémozo et à plus tard avec une jolie musique de Disturbed, The Sound of Silence. Bon, j'espère que j'ai bien tout dit. Allez, à bientôt. Softly creeping, left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a split the night and touch the sound of silence.